نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. En cette soirée du mercredi 5 d'Oul Qa'da 1434 de l'Hijir, correspondant 11 septembre 2013, بإذن الله سبحانه وتعالى. Donc nous sommes avec le deuxième cours du livre Le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan Hafidahullah. Avant cela, inshallah ta'ala, puisque c'est le deuxième cours, je voudrais, s'il y a quelqu'un inshallah ta'ala qui pourrait prendre le micro si c'est un frère, ou alors écrire quelque chose aux admins si c'est une sœur, pour nous dire en une phrase ou deux c'était quoi le premier cours. C'est-à-dire, dans le premier cours on avait montré que yani les salafis, c'est-à-dire une base, se baser sur une chose. On avait dit, montrer la différence entre le salafi, le tekfiri, le tablir, l'ikhwan, etc., qu'il avait quelque chose de spécial. C'est quoi cette chose? C'est-à-dire, c'est quoi le premier cours de Cheikh Fawzan Hafidahullah? J'attends, inshallah ta'ala, votre réponse. Naam, s'il y a quelqu'un qui veut prendre le micro, qu'il dise aux admins, inshallah. Et c'était le premier cours, c'était le cours passé dans la Aqida. Naam, on avait dit que yani consensus la Jama'a, naam, avait une caractéristique, entre autres. C'est quoi? C'est quoi? Il se base sur pourquoi? Pour vous orienter un peu. Quel est le plus important chez eux? Non. Fadlal, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend le micro ou bien une sœur qui nous écrit? C'est quoi, inshallah ta'ala? Donc j'attends, inshallah ta'ala, une minute. S'il n'y a pas, c'est que vous n'avez pas la réponse. On avait dit que chaque secte avait pour elle des choses prédominantes. Là, il y en a qui commencent par la politique, il y en a qui commencent par dire que le gouverneur est kafir, il y en a. Là, on avait dit que le sunna avait autre chose. Tfadlal. Je vous laisse le micro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Assalamu alaikum, est-ce que vous m'entendez? Salam alaikum. J'ai beaucoup de réponses, Cheikh, par rapport à votre question. Ben, en fait, c'est toutes les mêmes, hein. En fait, c'est la da'wa par le tawahid. Fawzi, je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire. Ismaël dit, une personne a répondu, explication du hadith des 70 000. Non, le hadith des 70 000, c'était pas dans le dogme, c'était dans Osmo. C'était dans Sharh Riyad Salihin. Nous, on parle du livre de Cheikh Fawzan Hafidahullah. L'autre dit, les sœurs aussi, et de connaître le minhaj pour se protéger des sectes égarées. Non, c'est pas ça. Fadlal. Pour vous orienter, et ça c'est très simple, peut-être yani, quelqu'un qui a bien assisté au cours et bien entendu trouve la réponse très vite, que chaque secte se base sur une chose. C'est à moi qu'on nous prend comme une déviance dans l'aveuglement matérialiste. Non, c'est pas ça. J'avais dit que chaque secte avait la chose sur laquelle elle se basait. Voilà. Certains se basent sur le takfir, les autres se basent sur la dawa, les autres se basent sur la politique, les frères musulmans. Et Salafi se basent sur la aqida. Non, c'était la réponse que j'attendais. Connaître quelqu'un, pour savoir si quelqu'un est Salafi ou pas, on voit seulement c'est quoi, sur quoi il se base d'abord, c'est quoi la chose la plus importante chez lui. Là, la aqida, il n'a pas. Non. C'est pour ça que dans le premier cours, qu'est-ce qu'on avait vu? Que yani, un sunnah ou jama'a se basait d'abord sur la aqida. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, le deuxième cours, on dit bismillah ar-rahman ar-rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Donc le titre, voilà le titre. Présentation des sources du dogme et de la méthode utilisée par les pieux prédécesseurs pour son acquisition. Le dogme, la aqida, naam, c'est quoi ces sources? On se base sur quoi pour étudier la aqida et l'apprendre? Naam. Et quelle est la méthode qu'on va utiliser ou bien qu'on va utiliser les pieux prédécesseurs pour acquérir ce dogme? Cheikh Rahim Hafidahullah, Cheikh Fawzan Hafidahullah dit. Ensuite, il y a une chose importante. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je m'excuse, mais je ne vais lire qu'en français. Je ne vais pas lire arabe, ensuite en français, car ça va prendre beaucoup de temps, et le cours est un peu long, et ensuite, il se fait tard. Il a dit, Hafidahullah, l'aviation du dogme authentique est un péril et une perdition, car il est la plus grande motivation aux œuvres bénéfiques. L'individu qui ne jouit pas d'un dogme authentique, aqida yani sahiha, est en proie aux idées fausses et aux doutes qui pourraient peser sur lui et lui voiler la vision correcte des sentiers menant à la vie heureuse. Ceci jusqu'à ce que sa vie l'étouffe. Puis il tentera de se débarrasser de cette angoisse en mettant fin à sa vie, quitte à se suicider, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes qui ont perdu la guidance du dogme authentique. Allahu Akbar. Naam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, « فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ومن يريد ان يضله يجعل صدره حرجا يوصي حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الله تعالى دي et puis quiconque الله تعالى veut guider, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque الله تعالى veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi الله عز وجل inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Donc celui qui a un dogme faux, il va sentir toujours de la gêne dans sa poitrine. Et sa poitrine se rétrécit. Son cœur se rétrécit comme s'il voulait s'asphyxier, il voulait s'étouffer. Allah Ta'ala dit comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pris l'avion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pris l'avion pour dire que il a l'expérience. Il sait que quand on monte dans l'avion et plus on monte vers le ciel, il n'y a pas d'oxygène. On a besoin de trucs qu'on met le masque à gaz, sinon on étouffe. C'est pour ça que l'avion, comme vous savez tous que, yani, c'est comment dirais-je, c'est plein d'oxygène. Sinon, personne ne peut dans l'avion. Non. Si on monte comme ça, sans que ça soit pressurisé, non. Si c'était pas comme ça, tout le monde va s'asphyxier. Afouen. Donc, Allah, quand il veut donner la guide à quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui ouvre la poitrine, mashallah. Et s'il veut le punir, non. Il lui a une punition dans cette vie, il lui rétrécit son cœur comme s'il voulait s'asphyxier. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça que beaucoup de gens se suicident. Non, pourquoi ils se suicident? Ils n'ont pas le dogme, le vrai dogme, la vraie aqida. Quelqu'un qui a connu Allah Azza wa Jal, jamais se suicide. Ils se sont le plus heureux. Et quelqu'un qui n'a pas connu Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien a une fausse aqida, on a peur pour lui. Il risque de se suicider. Des milliardaires se suicident chaque année dans, à travers le monde, aux États-Unis, au Canada, en Australie, partout. Des milliardaires. Pourquoi? Le cœur est vide. Non, le cœur rétrécit. La poitrine serrée. Il se dit à quoi ça sert que je possède tout, mais je ne suis pas heureux. J'ai tout ce qu'il faut, mais je ne suis pas heureux. Il se suicide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. La société qui n'est pas régie par un dogme correct est bestiale. Société d'animaux. Qui a perdu tous les éléments constituant la vie heureuse, même si elle possède beaucoup d'éléments du monde matériel, qui souvent mènent à la destruction, comme nous le voyons dans les sociétés mécréantes. Il en est ainsi, car ces éléments matériels nécessitent une orientation et une émancipation pour que l'on puisse profiter de leurs vertus et de leurs bienfaits. Et ils n'ont de guide que le dogme authentique. Naam, quand les sociétés, zama émancipées, ont tout ce qu'il faut comme matériel, mais n'ont pas, quoi, le dogme authentique. Donc ça va donner quoi? Ça va donner des catastrophes. Naam, tu as tout, mais il n'y a pas la harida. Donc ça va donner tout ce qui est négatif, tout ce qui est négatif. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah Ta'ala dit dans le Coran, ô messager, Ya ayyuha al-rusul, kulu min tayyibat wa amalu salihan. Ya ayyuha al-rusul, kulu min tayyibat wa amalu salihan. Naam. Attendez, je vais voir si c'est le verset ici. Lahda. Naam. Ya ayyuha al-rusul, kulu min tayyibat wa amalu salihan. Ô messager, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien. Qu'est-ce qu'il a dit, Fanny, normalement? Sah. Barakallahu fik, j'ai sauté, sah. Jazakallahu khair. J'ai sauté, il fallait commencer par celui-là. Non, Bafoun, pas celui-là. Non, une seconde. Subhanallah al-Azim. Donc, deuxième sous-chapitre. Présentation du dogme. Présentation, c'est pas là. Des sources du dogme et de la méthode utilisée par les plus pour son acquisition. Voilà, ça. Présentation des sources du dogme et de la méthode utilisée par les plus prédécesseurs pour son acquisition. Le dogme est exclusivement fondé sur les textes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la aqida, exclusivement fondée sur les textes. C'est-à-dire tawqifi, naam, c'est-à-dire tawqifi, dis bien tawqifi et non tawfiqi, je dis bien tawqifi, regardez avec le K, tawqifi et non tawfiqi. Quand je dis tawqifi, ça veut dire que ça doit reposer sur le Coran et la Sunna, les textes. Et quand je dis le deuxième écrit, ça veut dire que ça dépend de l'expérience, par exemple, naam. Donc on a dit la aqida, c'est exclusivement fondé sur les textes. il ne peut être établi, le dogme ne peut être établi que par une preuve venant du législateur, et il ne s'y trouve aucune place pour la pensée ni pour l'effort d'interprétation d'ijtihad. Il n'y a pas ijtihad dans l'aqida. Non, il n'y a pas. C'est quoi? C'est tawqifi. Ça vient des textes, c'est tout. De ce fait, les sources du dogme sont limitées à ce qui est rapporté dans le livre et la sunna. Parce que personne ne connaît Allah Azza wa Jal. Non, personne ne connaît Allah Azza wa Jal. La perfection absolue dont il se caractérise, ni l'imperfection dont il est dénué, personne ne le connaît mieux que lui-même. De même, personne, après Allah Azza wa Jal, ne le connaît mieux que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que la méthodologie des pieux prédécesseurs et de ceux qui les ont suivis dans l'acquisition de la science du dogme se limite au livre, c'est-à-dire le Coran, et à la Sunna. Ils ont donc en toute chose concernant Allah Azza wa Jal indiqué par le livre et la Sunna, et ils ont eu la ferme conviction et l'ont mise en pratique. Ils ont aussi rejeté et refusé tout ce qui n'est pas établi ni par le Coran ni par la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à cela qu'aucune divergence ou alhamdoulillah en matière de aqida n'est survenue entre eux. Il n'y a pas dans la aqida quelque chose entre les sahaba, une divergence. Parce que ils ont pris la aqida du Coran et de la sunna authentique. Au contraire, leur dogme était un et leur communauté était une. Parce que Allah Azza wa Jal s'est chargé pour tout ce qui s'agrippe à son livre et à la sunna de son messager d'unifier leurs paroles, de rectifier leur doctrine et d'unir leur voix. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit wa'tasimu mi'an wa la tafarraqu, et cramponnez-vous tous au hablullah. Hablullah, c'est-à-dire le câble. Il faut que vous sachiez que c'est comme si vous voyez un câble qui descend du ciel. Le câble vient d'Allah Azza wa Jal. Naam. Si tu t'agrippes à ce câble, tu vas arriver chez Allah subhanahu wa ta'ala ravi de toi. Si tu ne veux pas t'agripper à ce câble, tu vas vivre ici comme malheureux et misérable et égaré. Ensuite rencontrer Allah Azza wa Jal demain en colère contre toi. C'est comme quelqu'un qui croit qu'il y a un câble à fond qui est tombé dans un puits. Ensuite, on lui jette un câble par exemple, ou bien une corde pour qu'on le retire. Maintenant, c'est à lui de choisir. S'il veut être sauvé, il n'a qu'à s'agripper à cette corde. Sinon, il va rester dans le puits et dans les ténèbres, et l'obscurité, jusqu'à ce qu'il meure. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, dans un autre verset, il a dit فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِي هُدَى فَمَنِي تَبَعَ هُدَيَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Allah Azza wa Jal t'a promis. Et c'est celui, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui tient ses promesses. Il ne manque jamais une promesse. Il t'a promis que, il nous a promis à nous tous que, quiconque suit le guide qu'il envoie, alors il aura deux choses. Il sera préservé de deux choses. Jamais il ne connaîtra l'égarement. Il vivra dans la guidée, alhamdoulilah. Et jamais il ne sera malheureux. Il sera toujours heureux. Naam. Bien sûr, il y a des fitna, il y a des maladies. Mais tout ça, c'est rien. Comparé à la foi qu'Allah Ta'ala t'a donnée. La sekina et la miséricorde qu'Allah Ta'ala fait descendre dans ton cœur. Comparé à ce qui t'attend demain quand tu vas rencontrer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Tout cela, tout ce que tu as, tout ce qui t'a manqué ici, va paraître que ce n'est rien. Naam. Car j'ai quelque chose qui m'attend là-bas, naam, d'utopique. Quelque chose qui rentre dans le domaine des rêves, tellement c'est trop beau. Donc je patiente. C'est ça la différence entre le croyant et le kafir. Le kafir, il veut tout ici. Naam, il veut tout. Pourquoi? Il dit, si je n'ai rien, il n'y a plus rien. Donc je dois profiter au maximum. Tandis que le croyant, non. Naam. S'il peut arriver à une chose, il dit Alhamdulillah. S'il peut pas arriver à cette chose, il dit Qaddar Allah. Mais, naam, j'en serai récompensé ou bien compensé. Yom al-Qiyamah, Alhamdulillah. Il y a un paradis, Alhamdulillah. C'est pour cela, c'est qu'ils ont été appelés le groupe sauvé. Al-Firqatun Najiyah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté de leur salut. Naam, de leur salut. Lorsqu'il évoqua la division de la communauté, 73 groupes. Naam. Les juifs ont 61 groupes, les chrétiens 72 groupes. Naam. Tous voués à l'enfer. Ensuite, il a dit les musulmans 73 groupes. Tous voués à l'enfer, sauf un groupe, le groupe sauvé. Et lorsqu'on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est ce groupe, il a répondu Hiya man kana ala mithli ma ana ala al-yawm wa ashabi. Comme ça il est sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit il s'agit, c'est-à-dire ce groupe, c'est quiconque suit ce que je suis aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Quiconque suit ce que je suis aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Regardez, pour quelqu'un qui va dire moi la sunna me suffit, la sunna, le Coran, la sunna me suffit, on lui dit non, il te manque une chose. Qu'est-ce qui me manque? Il y a le Coran, il y a la sunna, et il y a tu suis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. C'est pour ça qu'on dit que d'une personne, on dit il est salafi. Non pas salafi, il te dit moi seulement la sunna. Oui, mais la sunna, comment tu vas la comprendre? Est-ce que tu vas la comprendre comme l'ont comprise les compagnons, ou bien tu vas la comprendre comme l'ont comprise, c'est-à-dire la sunna, les mu'tazilites, ou bien les jahmites, ou bien les soufites, ou bien les rawafites, eux aussi ils ont la sunna. Naam. Mais quelle sunna? Quelle sunna? Comment ils comprennent la sunna? C'est pour ça que si tu veux faire partie du groupe sauvé, naam, tu dois suivre le Coran, la sunna et la compréhension des compagnons. Ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informa s'est réellement produit. Car lorsque certaines personnes érigèrent leur dogme sur autre que le livre et la sunna, d'après la compréhension des salafs, alors comme on va citer la théologie scolastique, c'est-à-dire ilm al-kalam, et les règles de la logique héritées toutes deux des philosophes de la Grèce antique, alors la déviation et la division dans le dogme virent le jour. Le résultat en fut le désaccord, la scission du groupe, ainsi que la dislocation de la société islamique. Voyez. Maintenant, on passe à l'autre chapitre. Afoun, celui qui est avant, c'est-à-dire celui-là. Donc celui-là, j'ai pas écrit son titre. Présentation de la déviance du dogme et des moyens de s'en préserver. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Présentation de la déviance du dogme et des moyens de s'en préserver. Donc, ce titre, je ne l'ai pas écrit, je l'ai oublié. Al-Muhim. Bon, on avait lu. On dit, la déviation du dogme authentique est un péril et une perdition, motivation aux œuvres bénéfiques. Naam, le dogme, quand il est authentique, il aide, subhanallah, même et il motive pour faire les œuvres bénéfiques. L'individu qui ne jouit pas d'un dogme authentique est en proie aux idées fausses et aux doutes qui pourraient peser sur lui et lui voiler la vision correcte des sentiers menant à la vie heureuse, jusqu'à ce que ça étouffe. Puis, il tentera de se débarrasser de cette angoisse en mettant fin à sa vie, quitte à se suicider, comme c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont perdu la guide du dogme authentique, comme on l'a dit tout à l'heure. Allah Ta'ala a dit فَمَنْ يُولِدِ اللَّهُ نِيَهْدِيهَ وَشْرَحْ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يُولِدَ نُيُودِ اللَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيْقًا حَرَجًا كَنَّ مَسَاكِ فِسَمَا. Quiconque Allah Ta'ala veut guider, c'est pas il lui donne de l'argent, là, non, il lui donne des biens, non, il le rend riche, non, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Naam. Il te met sur le chemin droit, il te fait aimer l'islam, il te fait aimer les adorations, il te fait aimer Allah subhanahu wa ta'ala et son chemin. Et quiconque Allah ta'ala veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel pour s'asphyxier. Ainsi Allah Azza wa Jal inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Ainsi Allah Azza wa Jal inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. La société qui n'est pas régie par un dogme correct est une société bestiale. Toute société qui n'a pas une aqidah sahiha est une société bestiale qui a perdu tous les éléments constituant la vie heureuse, même si elle possède beaucoup d'éléments du monde matériel qui souvent mènent à la destruction, comme nous le voyons dans les sociétés mécréantes. Il en est ainsi car ces éléments matériels, comme on l'a dit, nécessitent une orientation et une émancipation pour qu'on puisse profiter de leur bienfait. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Ya ayyuha al-Rusul, regardez le verset, Ya ayyuha al-Rusul, kulu min tayyibat wa amalu salihan. Au messager, mangez ce qui est permis, est agréable, et faites du bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien de manger, naam. C'est bien de prendre de ce qu'on a besoin de la vie. Mais, qu'est-ce qu'il y a après manger? Il y a faites du bien. Il faut faire de bonnes œuvres. Donc il faut la aqida. C'est pas seulement manger. Non, il faut manger, mais il faut faire le bien, c'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour l'adorer, bien sûr, on doit avoir une aqida. D'ailleurs, une aqida, yani correct. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi dans le il a dit, non, regardez ce verset. وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يا جبال أوبي الطير ألنه الحديد وأناله الحديد نعم طيب. Nous avons certes accordé une grâce à Daoud Bar, aux montagnes et oiseaux. Répétez avec lui les louanges d'Allah. Et puis nous avons amolli le fer. Qu'est-ce qu'on veut montrer par ce verset et ce qui vient? On veut montrer que نعم, s'il y a le matériel et il y a tout, mais il n'y a pas la aqida, ça ne sert à rien. Une société qui a tout, toute la technologie, tout ce qu'il faut, mais n'a pas la aqida, c'est une société vouée à perdition. Regardez ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Daoud, nous lui avons accordé beaucoup de choses dans la dunya, au point où les montagnes et les oiseaux répétaient avec lui les louanges d'Allah. Nous lui avons même amoli le fer. Naam, il est devenu un mou. Pour lui. Naam. Ensuite il a dit أن يعمل صابغات وقدر في السرد وعمل صالحا إني بما تعملون بصير إني بما تعملون بصير. Alors on lui a dit fabrique des côtes de mailles complètes et mesure bien les mailles. Ensuite il a dit et faites le bien. Donc regardez, le matériel il y a, les mailles, mesurez bien les mailles, mais attention, n'oubliez pas de faire le bien. Naam, n'oubliez pas de faire le bien. Tayyib. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de Suleyman, « Wali Suleyman al-Rih, wa shar, wa rawah wa shar, wa asalna lau ayn al-qitr, wa min al-jinni man ya'mal bayna yedih bi'idhi rabbih, wa man yazir minum an amrina, nudhiqhu min azab al-sa'ir. » Regardez ce qu'il a dit par rapport à Suleyman. Et à Salomon, nous avons assujetti le vent, dont le parcours du matin équivaut à un mois de marche, et le parcours du soir, un mois aussi. Et pour lui, nous avons fait couler la source de Kifaladim. Et même parmi les djinns, il y en a qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Ensuite, il a dit, quiconque d'entre eux, cependant, dévient de notre ordre, nous lui faisons goûter le châtiment de la fournaise. Donc tout ça, naam, tout ce que Allah Ta'ala a donné à Suleyman aussi, même les djinns qui travaillent sous ses ordres, tout dans la dunya, ça ne sert à rien si quoi? S'il dévie de notre ordre, car ça nous fait goûter le châtiment de la fournaise. Donc ça ne sert à rien d'avoir tout le matériel si quelqu'un n'adore pas Allah Subhanahu Azza wa Jal. Allah Ta'ala a dit, يعملون له, en parlant des djinns, يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجيفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكر وقليل من عبادي الشكور. الله تعالى دي les djinns, ils exécutaient pour Suleyman, ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient. Sanctuaires, statues, plateaux, comme des bassins et marmites bien ancrés. Ensuite, la Ta'ala dit, ô famille de Daoud, œuvrez par gratitude. Alors, il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Donc, le matériel, c'est quoi ici? Il avait tout. Sanctuaires, des statues que fabriquaient les djinns, des plateaux comme des bassins, des marmites bien ancrés, mais... Le plus important, aux familles de Daoud, œuvrez. Il faut faire le... œuvrez par gratitude. Remercie Allah Ta'ala. Ensuite, Allah Ta'ala dit, les serviteurs sont reconnaissants. Donc, tout ça pour montrer que le matériel, sans la aqidah et l'adoration d'Allah Azzal, ce n'est rien. Ce n'est rien. Voyez, la puissance du dogme ne doit pas se détacher de la puissance matérielle. Je répète, la puissance du dogme ne doit pas se détacher de la puissance matérielle. Car si cela arrive par la déviation vers les croyances erronées, alors la puissance matérielle deviendra alors un moyen de destruction. Un moyen de destruction et de décadence, comme on peut en témoigner aujourd'hui dans les pays mécréants qui possèdent des moyens matériels mais pas de dogme correct. Une seconde. Donc, je répète, Naam, si jamais ça venait de se détacher, c'est-à-dire il y a le sens matériel et il n'y a pas d'homme, alors qu'est-ce que ça va donner? Il n'y a pas d'aqida, alors cette puissance matérielle va devenir un moyen de destruction et de décadence, comme on peut témoigner aujourd'hui dans les pays qui possèdent des moyens matériels, mais pas de dogme correct. Naam, pas d'aqida. Et tu as des moyens matériels, mashallah, mais ça va être quoi? Yani, un moyen de destruction. Naam, un moyen de destruction et de décadence. La déviation du dogme authentique a des causes qu'il faut connaître. Et voilà, parmi ce qu'il y a, yani, parmi les plus importantes. La déviation du dogme authentique a des causes qu'il faut connaître. Voici les plus importantes. Il y a sept causes. Il y a sept causes qui sont quoi? Qui montrent, ou plutôt qui sont des causes de la déviation du dogme authentique. Non. La première. L'ignorance du dogme. Non. L'ignorance du dogme authentique. Quand quelqu'un ne connaît pas le dogme authentique, ne connaît pas la vraie aqida, comme tout à l'heure dans le salon, Naam, ce salon ça, où j'ai dit attention au salon, cours de religion en direct. Masha'Allah, cours de religion en direct. Mais sur quelle aqida? Aqida Ash'arite, c'est pas l'aqida des salaf, c'est pas l'aqida des sahaba, c'est pas l'aqida du prophète alayhi sallam, des grands savants. Donc, à quoi ça sert? Quoi ça sert que j'assiste pour m'égarer? J'assiste pour aller en enfer. Donc, yani, il vaut mieux que j'aille, je ne sais où. Peut-être dans un bar, c'est mieux. Pourquoi? Dans un bar, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un péché qui vient du côté quoi? Du côté shahwa. Du côté désir et passion. Tentation. Mais quand j'assiste dans un cours où j'apprends la fausse aqida, j'ai fait un péché qui vient du quoi? Du côté chouba, ambiguïté, c'est plus grave que de boire l'alcool. Naam, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver de ceci et de cela. L'ignorance du dogme en renoncement à l'apprendre et à l'enseigner, ou du manque de préoccupation et d'intérêt voué au dogme. L'ignorance du dogme, ça vient comment? Ou bien, on ne veut pas yani, l'apprendre. Ou bien, on ne veut pas l'enseigner aussi. S'il n'y a pas celui qui l'enseigne, il n'y a pas celui qui apprend. Ou bien, manque de préoccupation et d'intérêt voué au dogme. Naam, la personne est préoccupée par les rentrées d'argent. La personne est préoccupée par la tijara, le commerce. Du matin au soir, il sort avant Salat al-Fajr à 4h du matin et il y revient à 22h la nuit. L'obscurité, le commerce. Il faut faire comme ça, sinon on ne peut pas vivre. Naam. Donc celui-là, il n'a pas le temps d'apprendre la aqida. Naam. Il n'a pas le temps d'apprendre la aqida, miskin. Donc, ou alors, peu de préoccupations. Ou alors, il te dit, ouf, la aqida, en fin de compte, c'est pas très important. Moi, alhamdoulilah, je jeûne le ramadan et je n'ai jamais tué quelqu'un ni volé. Alhamdoulilah, je fais les prières le soir, comme ça je les regroupe. Et ça va, alhamdoulilah, je suis mashallah. L'aqida, c'est pas obligé de l'apprendre. Comme disent les frères musulmans et les tablir, ils disent que quoi? Ça disperse. Vaut mieux ne pas apprendre l'aqida car ça nous disperse. On reste comme ça, on est des ignorants, mais alhamdoulilah, on est des frères en Allah et on s'aime en Allah. Essentiel, on est nombreux, mashallah. Même si chacun a une aqida, yani, on a des aqidas de plein de kofriyat, plein de kofr, ma'alish. Le muhim, yani, on est nombreux, on est des frères, fil subhanahu wa ta'ala. Et on va faire le califat. Bientôt, on va faire le califat. Bientôt, ça fait maintenant 200, 300 ans que les frères musulmans courent derrière le califat, mais il n'y a pas. Mais donc, bientôt le califat. Le muhim. Maintenant, l'ignorance du dogme. Ni on l'apprend, ni on l'enseigne, ni on se préoccupe. Qu'est-ce que ça va donner? Jusqu'à une génération qui n'en ait aucune connaissance du dogme authentique et qui ne sache discerner ce qui le contredit et va à son encontre. Bien sûr, quand quelqu'un ne connaît pas la aqida, la vraie aqida, il ne connaît pas ce qui la contredit. Il ne connaît pas ce qui la contredit. Quand tu connais Tawhid, tu sais pas aussi que parole de shirk la contredit. Tel et tel acte de shirk contredit la harida. Tu sais pas pourquoi, car tu connais pas la harida. Alors cette génération, considérant ainsi le vrai comme faux et le faux comme vrai, hein, comme a dit Omar Bukhtab radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez ce qu'il a dit Omar Bukhtab radiallahu ta'ala, il a dit: les commandements de l'islam seront enfreints un par un, quand est-ce que, s'il émerge en islam des gens qui n'ont pas connaissance de ce qu'est le polythéisme, non, paganisme, non. Alors s'il y a des gens qui vont naître, qui ne savent pas ce que c'est le polythéisme, le shirk, et ne l'ont pas étudié, donc, ils n'ont pas étudié la aqida, donc qu'est-ce qui va se passer? Les commandements de l'islam seront enfreints un par un jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'islam. Il ne va rester de l'islam que la danse des soufis autour d'une marmite pleine de couscous et pleine de viande, mashallah. Allah, Allah, Allah, Allah. Et on commence à danser, on tombe évanoui. Donc ça c'est premièrement. On est en train de montrer quelles sont les causes qui font que les gens ont dévié du dogme authentique. La première, c'était quoi? C'était l'ignorance du dogme authentique. La deuxième, c'est quoi? Le suivi aveugle des coutumes des ancêtres. Le suivi aveugle des coutumes des ancêtres. Naam. Quand tu vas suivre les habitudes des pères et des grands-pères et des mères et des grands-mères, au lieu de suivre la aqida, donc, là, il n'y aura plus de vraie aqida. L'esprit de parti, pour ce que suivent les pères et grands-pères, s'y tenir, et s'y accrocher, malgré que ce soit faux, et délaisser ce qui le contredit, malgré que ce soit juste. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, wa idha qila lahum. Écoutez le verset. Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Et quand on dit à ces gens, suivez ce que Allah Ta'ala fait descendre, le Coran, qu'est-ce qu'ils disent? Non, mais nous suivrons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Allah Ta'ala dit quoi? Et même si leurs ancêtres n'avaient pas raisonné, n'ont pas de raison, Et même s'ils n'ont pas, s'ils ne sont pas dans la bonne direction, on doit les suivre. C'est-à-dire, je suis mes grands-pères et mes ancêtres, même s'ils raisonnent faux, et même s'ils ne sont pas dans la vraie voie. Quoi ? Subhanallah, c'est étonnant. Plusieurs personnes, tu leur dis Allah Ta'ala et le prophète Islam a dit, tu dis mais, subhanallah, ça fait 40 ans que, yani, j'entends mon père et mon grand-père dire que, yani, c'est plutôt le contraire. Non, tu dis Allah Ta'ala a dit, et voilà le hadith authentique, qu'est-ce qu'il dit ? Moi, ça fait 50 ans que je prie, je n'ai jamais entendu telle chose de mon grand-père ou alors de mes grands-pères ou de mes aïeuls. Non. Donc, quand tu leur, on leur dit suivez le haq, il te dit non, moi je suis ce qu'a dit mon grand-père. Il a dit même si quoi, même subhanallah, si mon grand-père était un analphabète, vraiment qu'on ne sait rien dans le din, et yani, qui ne raisonnait même pas, et était dans la fausse voie, je le suis. C'est très grave. Troisième cause. L'imitation aveugle des paroles des gens sans dalil. Naam. Certains ça. Naam, ils entendent des gens parler dans le din, ils prennent tout ce qu'ils disent. Sans essayer de quelles sont leurs preuves et les dalils. Les savants ont dit, si on laisse parler, naam, yani, n'importe qui sans dalil, sans preuve, qu'est-ce qui va se passer? Alors, comme ils ont dit, la qala mensha'a masha'a. Alors, n'importe qui dira ce qu'il veut. Vous avez compris? Si on ne demande pas aux gens des preuves de ce qu'ils disent, ce qu'ils avancent, alors n'importe qui parlera et dira ce qu'il voudra. N'importe qui. Le voisin, le mécanicien, le boucher, le boulanger, tous n'am, ils vont pas aller dire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui leur demande le dalil. Mais si maintenant quand quelqu'un part dans le din, tu lui dis Jazakallahu khayran pour ce que tu as dit, mais c'est quoi la preuve que tu as dit? C'est quoi ce que je te demande? Je dis que n'am, c'est juste pour que je connaisse. C'est quoi la preuve comme ça pour que je la prenne et je la montre aussi aux gens, cette preuve? Naam. Alors là, il aura peur. Il ne pourra plus parler. Pourquoi? Tu lui demandes la preuve. Naam. Sinon, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Moi, je dis ce qu'il veut. Ma femme dit ce qu'elle veut. Le voisin dit ce qu'il veut dans le din. Pourquoi? Il n'y a pas de dalil. Dis ce que tu veux. Mais maintenant, quand tu demander aux gens les dalil, ils vont se taire. Et alors, ne parlera que les savants. Ou alors, les talibouin qui disent Allah a dit, son prophète a dit, alayhi salatu wa salam. Le cheikh Hafidallah a dit, l'imitation aveugle en adoptant les paroles des gens à propos du dogme, sans en connaître les arguments ni le degré d'exactitude. Surtout, si on laisse parler quelqu'un dans le dogme sans dalil, Allahu Akbar. Dans la aqidah, imaginez. Dans la aqidah, il part sans. Il va s'asseoir, il va dire Allah subhanahu wa ta'ala a une tête. Et tu lui demandes pas le dalil. Non. Il te dit le paradis a 20 portes. L'enfer a 40 portes. Il n'y a pas de dalil, demande pas de dalil. Il dit ce qu'il veut. Et comme ça, imaginez ce qui va arriver dans ce din et ce qui va arriver dans la aqida. Si jamais il te dit le paradis a 15 portes ou la 20 portes, tu lui dis où est le dalil. Subhanallah. Moi je connais le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que si quelqu'un termine le wudu et il dit Shahadu la ilaha illa Allah, Shahadu Muhammad Abduhu wa Rasuluh, Lam ja'alni min tawwabin, Lam ja'alni min mutatahhirin, les 8 portes du paradis vont s'ouvrir. Le hadith a cité 8 portes. Comment tu as dit toi 20 portes? Alors il va se taire, il ne va plus parler. Mais si tu le laisses parler son dalil, il dit ce qu'il veut. Le Sheikh Rahimallah Hafidhah dit donc, ils suivent les paroles des gens, sans en connaître les arguments ni le degré d'exactitude. Même quand ils donnent le hadith, tu ne demandes pas toi, est-ce que le hadith est sahih? Non, ça suffit. Le prophète a dit, ça suffit. Donc tout ce qu'a dit le prophète, yani, ça veut dire qu'il l'a dit et il nous est arrivé. Ça c'est faux. Il faut une preuve que cette parole, c'est la parole du prophète. Il faut une preuve que yani, la chaîne de transmission les rapporteurs remplissent les conditions, que ce hadith est sahih, ou du moins qu'il est bon. Mais c'est pas toute personne qui dit que le prophète a dit une chose que ça qu'il l'a dite. C'est pas vrai. Nous, on n'a pas entendu le prophète de nos oreilles. Il nous faut des preuves que yani, vraiment cette parole, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith soit authentique. Hassan, le cheikh a dit, comme c'est le cas pour les groupes intervenants, tels que les Jahmites, Tazilites, les Ash'arites, les Soufis et autres, dès lors qu'ils ont imité les guides de l'égarement qui les précédèrent, ils siguent eux aussi et des croyances correctes. Naam, les Jahmites, les Mu'tazilites, les Ash'arites, les Soufis, naam, ceux-là n'ont pas demandé le dalil. Ils ont sur qui ceux qui les précédèrent dans l'égarement. Alors, ils s'égarèrent eux aussi. Ils s'égarèrent aussi. Quatrième, donne aussi la déviation dans le dogme. C'est quoi? C'est l'exagération quant aux saints et aux pieux personnages. Et le fait de les élever au-dessus de la place qu'ils occupent. Le fait de les monter, faire monter au-dessus de la place qu'ils occupent. Le Cheikh Hafidhahullah a dit, l'exagération quant aux saints et aux pieux personnages et leur élévation au-dessus de la place qu'ils occupent en considérant qu'ils sont capables de ce dont Allah Azza wa Jal seul est capable, qu'apporte du bien et le rejet du mal, et en les prenant comme des intermédiaires entre Allah et sa création pour l'exécution des demandes et l'agrément de l'invocation, jusqu'à ce que cela tourne à quoi? À leur adoration en dehors d'Allah Azza wa Jal, à la recherche de faveur auprès de leur tombe par des sacrifices et des vœux, et à l'invocation et la demande d'aide et de secours, comme il est advenu du peuple de Nuh concernant les pieux. Naam. Lorsqu'ils dirent, qu'est-ce qu'ils dirent? وقالوا لا تذرن آلهتكم ولذرن لا سواعا لا يغوث ويعوق. Et dire, n'abandonnez jamais Oued, ni Souwa, ni Yaghouth, ni Yaouk, ni Nasr. Ces personnes-là, 1, 2, 3, 4, 5, Oued, wa Souwa, wa Yaghouth, wa Yaouk, wa Nasr. C'était des gens qui étaient, Masha'Allah, des pieux, Masha'Allah. Naam. Autant de nous, Adam. Et ils sont morts. Quand ils sont morts, Adam, ils ont dit, les habitants de la ville, il y avait ces cinq-là, ils ont dit, et pour ne pas les oublier, et si on construisait, yani, des statues? C'est le shaitan qui leur a dit. Il leur a dit, vous allez les oublier, vous allez mourir, mais vos enfants, votre descendance, n'ont pas savoir qu'il y avait ces gens, Masha'Allah. Ils vont, on va plus jamais parler. Il leur a dit, si vous construisiez des statues, comme ça, quand vous allez mourir, vos enfants les verront, non, ils sauront que ceux-là sont des pieux. Et comme ça, la deuxième génération, la troisième, et sont venus, leurs petits ne savaient pas, sont qui ceux-là. Non, et ils les ont quoi? Ils les ont adorés. Ils ont dit, ceux-là, Chétan est venu leur dire, ceux-là, vos aïeuls et vos grands-pères, quand la pluie ne tombait pas, il venait demander à cela de faire descendre la pluie. Quand enfant, il veut demander à cela d'avoir des enfants et comme ça. Donc, ça s'est retourné en adoration. Non, mais les gens qui vont Zawiya ou l'Iyadu Billah, sans en dire, non. Le Cheikh dit, il en est de même pour les adorateurs des tombes de nos jours, dans Bouy. Les adorateurs de tombes dans nos jours, dans beaucoup de pays. Cinquièmement, on avait dit qu'il y avait sept choses. Cinquièmement, la négligence, la méditation des signes naturels et coraniques. La négligence, le fait que la personne n'ait médité sur les signes naturels. Les signes naturels, c'est quoi? Les signes universels qu'Allah Ta'ala a donné dans l'univers. Et les signes coraniques, c'est-à-dire les versets qu'Allah a cité dans le Coran. Tout ça, si on néglige ça, ça va donner quoi? La déviation du dogme. Le cheikh Hafidhallah a dit, la négligence de la méditation des signes naturels, c'est-à-dire universels, d'Allah Azza wa Jal, Naam, il a dit ça, ça peut être une cause pour la déviation de la aqida. Comme on va citer par exemple le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم تبين لهم الله تعالى dit nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Ça leur devient évident que c'est la vérité. Allah promet que, c'est-à-dire il nous a demandé de méditer dans l'univers. Il a promis de montrer ses signes dans l'univers pour celui qui médite, pour celui qui voit le soleil, qui ne rate jamais chemin, qui ne rate jamais sa minute pour se lever, la seconde, Naam, qui ne rate jamais, ne se trompe, au lieu d'aller vers l'ouest, pourquoi il ne va pas vers le sud? Pourquoi toujours vers l'ouest? Qui a un moment précis pour qu'il se couche. Et pourquoi qu'il ne tombe pas? Pourquoi le soleil ne tombe pas? Combien qu'il pèse? Des millions de tonnes ou peut-être des milliards. Il n'y a pas des piliers qui le retiennent. Il n'y a pas des câbles en dessous de lui qui le tiennent aussi. Comment se fait-il qu'il ne tombe pas? Naam. Et comment ce soleil ne se trompe jamais pour que il s'approche de nous d'un mètre en plus? Et voilà que on va tous brûler vifs. Et ce soleil qui ne se trompe jamais de reculer d'un Naam. Pour que tous on devienne de la glace, des glaçons. Alors comment on ne médite pas? Naam. Allah Ta'ala promet, ils vont nous montrer ces signes dans l'univers. Ils regardent les étoiles, des milliards d'étoiles. Chaque étoile, des millions de fois plus grand qu'elle. Subhanallah al-Azim. Comment qu'elle illumine, subhanallah al-Azim. Le soir. Et en même temps, c'est quoi? C'est une parure pour le ciel. Et en même temps, c'est pour un guide, Naam, pour les voyageurs. Naam. Deux étoiles ne se rencontrent. Jamais deux étoiles ne tamponnent l'une contre l'autre. Chaque étoile connaît sa place. Chaque étoile, à la même minute, la même nuit, elle a sa place. Subhanallah al-Azim. Et Allah Ta'ala dit, dans l'univers et en eux-mêmes, médite en toi-même. Naam. Enferme-toi dans ta chambre et médite en toi-même. Comment tu as été créé. Yani, regarde tes cheveux. Et le rôle qu'il joue. Naam. Les cils, les sourcils, le rôle qu'il joue. Les yeux, subhanallah al-Azim. La bouche, le corps, tout ce corps, subhanallah al-Azim. Ses mains, regardez les mains, les doigts. Maintenant on essaye pour les robots. Regardez le robot quand on le voit à la télé. Ils sont très contents. Dernier cri des robots. Il fait ceci, il fait cela. Quand tu vois la face en miskin, il me fait rire, miskin le robot, quand je le vois. Comme un miskin, il essaye de ça. Presque il tombe. Subhanallah, il veut tomber. Ensuite, il se retient comme ça, il commence à marcher. Pour prendre une chose. Il reste une minute ou là pour arriver à la chose, pour la prendre en tremblant. Non. Et tout ça, c'est pas lui, c'est le robot lui-même. C'est celui qui le guide. Subhanallah al-Azim. Je disais, Naam, si on méditait notre corps, Allahu Akbar, comme disent les savants, regardez la bouche. Quand on mange ou on boit du même orifice qui est la bouche. C'est-à-dire que quand tu manges quelque chose qui se mange, Naam, cette chose, cet aliment, yani, c'est quel itinéraire, quel sentier, yani, choisir, quel chemin choisir dans l'estomac. Yani, pour qu'à la fin, il sorte du derrière. Alors quand tu bois, c'est choisir dans l'estomac où partir pour qu'elle sorte de l'urine, du devant. Subhanallah al-Azim. Alors que c'est le même orifice. On pouvait voir ce qu'il y a à l'intérieur du corps, on s'étonnerait. Si on pouvait voir ce qu'il y a à l'intérieur de la tête, juste du cerveau, il est vain, qu'il y a les nerfs, ceci, cela, on s'étonnerait. Moi aussi, moi, quand je pense à la femme déjà, la femme, je m'étonne. Je dis, subhanallah, l'adhim, la femme, comment Allah, subhanahu wa ta'ala, a créé en elle, une usine qui ne donne pas des autos, qui donne des êtres humains, subhanallah, l'adhim, dans son corps, quand elle est enceinte, subhanallah, comment le bébé, un bébé à l'intérieur d'un être humain, la plupart. Parfait. Un bébé à l'intérieur d'un être humain, c'est pas possible. Comment qu'il va faire pour sortir? D'où il va sortir? Comment il peut sortir? Qu'est-ce qu'il mange à l'intérieur? Et comme ça, Allahu Akbar. Et il y en a seulement celui qui ne veut pas méditer, c'est tout. Celui qui dit moi, laisse-moi tout ça. Sinon, c'est pas possible. C'est pas possible que quelqu'un mire lui-même, et qui nous dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah al-Azim. Toute la femme, yani, comment Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le cycle menstruel pour se vider, subhanallah al-Azim, une fois par semaine. Et comment, yani, cet endroit d'où sort le bébé, et en même temps c'est un endroit de plaisir, non, pour elle, pour son mari. Subhanallah al-Azim. Yani, c'est un être ajib, la femme. La négligence de la méditation une fois par mois, ça, la négligence de la méditation des signes naturels et des signes coraniques qu'il y a dans le Coran, ainsi que l'aveuglement par les données de la civilisation matérialiste. Non, la personne est aveugle à la civilisation matérialiste et les nombres qu'on donne et les chiffres qu'on donne, au point où ils crurent qu'elles étaient le fruit du seul pouvoir humain. Ils se mirent alors à magnifier l'être humain, à le rendre yani, comme un dieu, et à imputer ses efforts, ses données à l'effort et à la découverte de l'homme seul. C'est l'homme qui a fait tout ça, c'est pas Allah. Comme a dit Qarun. Qu'a dit Qarun? Il a dit innama utituhu ala ilmin indi. D'abord, regardez ce qu'a dit Qarun et on va voir ce que Allah Ta'ala lui a répondu. Une seconde. Allah Ta'ala a dit inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim wa ati إذا منا مفاتيحه لا تنوء بالعصبة أولي إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الكونيسي سيكي أوتون دو مويز دو موسى عليه السلام إت سون فخير هارون سولوي لا إيتي أن سوبر ملياردير إي أن مينيستر المهم إسكو الله سبحانه وتعالى دي أون دون أون فرونسي أون فيريتي كوري قارون إيتي دو بوب دو مويز Mais il était empli de violence envers eux, parce qu'il était injuste. Nous lui avions donné de trésors, il y en a tellement de trésors, que les clés pour ouvrir les coffres, etc., pesaient tellement lourd qu'il fallait une bande de gens pour prendre la clé. Subhanallah al-Azim. Donc il avait tellement de diamants de coffres, des coffres immenses. Donc la clé était aussi immense. La clé, pour prendre la clé, aller ouvrir le coffre, il fallait peut-être 5, peut-être 10 personnes pour pouvoir prendre la clé. Naam, d'être dans les clés pesant à toute une bande de gens. Il a dit, ne te réjouis point, car Allah Ta'ala n'aime pas les arrogants. Car Allah Subhanahu wa Ta'ala n'aime pas les arrogants. Au contraire, وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولك من الدنيا واحسن كما احسن الله ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا مفسدين لا عفوا ان الله لا يحب المفسدين نعم et cherche à travers ce que t'as donné la demeure dernière, c'est ça l'essentiel, et n'oublie pas ta part en cette vie, لا تنسى نصيبك من الدنيا. Et sois bienfaisant comme Allah Ta'ala était bienfaisant envers toi. Et ne cherche pas la corruption sur terre, car Allah Ta'ala n'aime point les corrupteurs. Donc son peuple qui était croyant voulut lui faire des rappels. Et cherche à travers ce que Allah Ta'ala t'a donné, cherche l'au-delà. Et c'est Allah Ta'ala qui t'a donné tout ça. Tout ce que tu as, c'est Allah Ta'ala qui t'a donné. Alors n'oublie pas ta part en cette vie. Ta part en cette vie, c'est-à-dire, n'oublie pas de profiter aussi d'adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Certains, ou là beaucoup de musulmans, on les entend dire et se baser sur ce verset-là. Et n'oublie pas ta part en cette vie. En arabe, wala tansa nasibaka min dunya. À chaque fois que tu parles d'une personne, tu lui dis, il faut adorer Allah, il faut faire ceci, faire le somme, omra, ceci. Il te dit, et n'oublie pas ta part en cette vie. Et n'oublie, wala tansa nasibaka min dunya. Toujours. Les vieux, les vieilles, toujours je répète cette phrase. Les gens de masse, ta part en cette vie, n'oublie pas ta part en cette vie. Nous, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, le fait que Allah Ta'ala ait dit, et n'oublie pas ta part en cette vie, c'est une preuve que quoi? Que c'est tout à fait le contraire de ce que vous dites. Allah Ta'ala a dit, n'oublie pas ta part en cette vie. Ça veut dire que tellement c'est pas important la vie que la personne peut l'oublier. Et Allah Ta'ala te rappelle, écoute, faut pas oublier quand même que, yani, de prendre ta part, de manger, de dormir, ça, faut pas oublier. C'est-à-dire que c'est pas important ça. Juste te rappelle qu'il faut pas l'oublier, c'est tout. Je sais que le croyant ne pense qu'à l'au-delà, subhanallah l'adhim. Ensuite on lui a dit, sois bienfaisant, comme Allah Ta'ala a été bienfaisant envers toi. Naam. Il ne cherche pas la corruption sur terre, Allah Ta'ala n'aime pas les corrupteurs. Tayyib. Ensuite... Qu'est-ce qu'il a répondu? Ala innama utitu ala ilmin indi. Innama utitu ala ilmin indi. Il a répondu quand on lui a dit tout ça. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, c'est par une science que je possède. Que ceci m'est venu. C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Tout ce que vous me dites, ça ne vient pas d'Allah Azza wa Jal. Ça vient d'une science que je possède. Et ça, c'est pour ça que les savants ont dit. Même le Coran a dit. A dit quoi? Quand on possède tous les biens qu'on a, on doit toujours l'affilier à Allah subhanahu wa ta'ala. On dit ça vient d'Allah. Comme a dit Allah ta'ala dans le Coran, wa ma bikum min Allah. Ce que vous avez, ça vient d'Allah. Toute personne qui dit que telle ou telle chose est venue de moi et de ma science et de mon intelligence et de ceci et de cela, il a ressemblé à Qarun, il a ressemblé à Corée. Et toute personne qui, quand elle a ou bien un bien, ou bien une voiture, ou bien de l'argent, elle dit ça provient d'Allah Azza wa Jal. Cette personne, elle ressemble à quoi? À ce qu'a dit le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad et à ses compagnons. Comme ça il disait. Le cheikh dit, ils n'ont pas réfléchi et n'ont pas considéré la grandeur qui a suscité ces créatures et leur a donné ses particularités. Celui qui a suscité l'être humain et qui lui a donné la faculté d'extraire ses particularités et d'en jouir. Naam, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah Azza wa Jalla qui vous a créé. Vous et ce que vous fabriquez. Tout ce que vous fabriquez. Même vous fabriquez par exemple un ordinateur, vous fabriquez une fusée, tout ce que vous fabriquez supersonique, c'est quoi? D'abord, Allah Ta'ala t'a créé. Si tu n'avais pas créé, tu n'aurais pas pu fabriquer cette chose. Et en plus de cela, c'est lui qui a créé ce que tu as fabriqué. C'est moi qui ai construit. Tu as construit avec quoi? Donne-moi la matière. Le plastique, le fer, le zinc, le cuivre. C'est avec ça que tu as fabriqué ça. Ça vient de toi. C'est ton grand-père qui t'a laissé en héritage. Ou bien c'est lui qui a créé ces produits-là, ces métaux, ces matériaux. Qui les a créés? Ensuite, à part cela, Allah Ta'ala t'a créé. Et les mains, tu as construit la fusée. Avec quoi tu as construit? C'est tes mains. C'est pas avec tes yeux. Si tu étais aveugle et construit. Non, avec tes yeux. Qui t'a donné les yeux? C'est Allah Ta'ala. Les mains, qui te les a donné? C'est Allah Ta'ala. Ensuite, pour construire, tu as réfléchi. tu as fait un plan, tu as dessiné. Naam, avec quoi? Avec le cerveau, la raison. Qui t'a donné ça? Si tu étais un fou, tu aurais pu construire? Non. Donc c'est Allah Ta'ala qui t'a donné ça. La preuve, un bébé ne construit pas, il n'a pas de raison. Naam. Donc, ça, tout revient à qui? Revient à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tout revient à Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est comme ça que pense le croyant bi'idhnillahi Ta'ala. C'est pour ça que Allah Subhanahu wa Ta'ala dit dans le Coran, il a dit أَوَلَمْ يَنْظُرُوا مَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ. N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux de la terre et toutes choses que Allah Ta'ala a créées? Toutes choses Allah Ta'ala a créées. C'est lui le créateur, le seul, il n'y a pas un autre. Toutes choses qu'il y a sur terre a été créées par lui. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi en ce sens, Allah الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من سماء ماء فأخرج به من ثمرات وسخر الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et qui du ciel a fait descendre de l'eau. Il a produit des fruits. Ensuite, il a mis à votre disposition les vaisseaux, les bateaux, qui par son ordre voguent sur la mer. Et il a soumis à votre service aussi les rivières, les rivières. Naam. Ensuite, il a dit, une seconde, c'est que numéro de verset est là, 32, Ibrahim. Tant qu'il manque le 33, Afwan, il manque le 33. Là, on l'a vu, 32. Et c'est lui qui, pour vous, il a assujetti, c'est-à-dire mis à votre disposition, le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Spécialement pour vous, le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et il vous a assujetti, lui et le jour. Et vous a accordé de tout ce que vous lui avez. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Mais dommage, long, très injuste et très ingrat. Non. Si quelqu'un qui croit en Allah Azza wa Jal, et qui médite sur les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, s'il va les compter, va essayer de compter les bienfaits, il ne pourra jamais. Naam. Quelqu'un peut compter les bienfaits d'Allah. Les bienfaits d'Allah Ta'ala qu'il y a, jamais il ne pourrait les compter. Mais le kafir, il va dire non, il n'y a pas de bienfaits. Mais le croyant, naam, tellement il va voir que tout est bienfait autour de lui, lui-même c'est un bienfait d'Allah. La foi, c'est un bienfait. Les parents, c'est un bienfait. Ma maison, c'est un bienfait. Et comme ça, on ne peut pas les dénombrer. Le bon voisin, c'est un bienfait. Les amis sont des bienfaits. Et comme ça, il y a chacun des milliers de bienfaits. Le musulman ne pourra jamais les bienfaits que l'Ospanot a donné. Ensuite, sixièmement, il reste sixièmement et septièmement. Sixièmement, le vide par rapport à l'orientation dans les foyers. Ce qui dévie le dogme authentique, c'est quoi? Le vide par rapport à l'orientation dans les foyers. Le foyer est devenu en général vide de l'orientation correcte. Non. Si on trouve une maison, un foyer, où il y a une orientation correcte sur le Coran, la Sunna, et la compréhension des salafs et une éducation sur cette chose-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit kullu mawloud, écoutez ce hadith, kullu mawloudin yuladu ala al-fitra fa abawa yuhawidani ou yunassinani ou yumajisani. Tout nouveau né, il naît prédisposé, ça veut dire prêt à l'islam. Cependant, malheureusement, ses parents le rendent soit juif, soit chrétien, soit mazdéen. Bukhari Muslim. Tout enfant, bébé, quand il naît musulman, prêt à devenir musulman. Ça y est. Même si c'est un enfant de chrétien, un enfant de bouddhiste, un enfant de d'athée, il naît quoi? Avec dans son cœur la prédisposition à reconnaître que Allah Ta'ala c'est son Seigneur. Naam. Et que il doit l'adorer. Mais ses parents, a'oudou billah, ils font de lui soit un juif, soit un chrétien, soit un mazdéen. Soit autre chose, bien sûr. Le hadith ici n'a cité que ce qui était le plus connu autrefois. Car l'enfant roule. C'est une pâte, pâte à modeler. Et les parents sont des moules. Maintenant, c'est d'après le moule que on va voir verra la pâte à modeler, qu'est-ce que ça donnera. Si on la met dans un moule, ou par exemple moule de musulman, ça donnera un musulman. Si on la met maintenant dans un moule de chrétien, ça va donner un chrétien. Moule de mazdéen, mazdéen. Tout ça. Donc les parents jouent un grand rôle. Dans quoi? Dans l'orientation et l'éducation de l'enfant quand il est enfant. Très très grand rôle. Ce sont eux. Le hadith a dit ce sont eux, un juif, un chrétien, un mazdéen. Et ce sont eux aussi qui font de lui un mubtadi'a. Ou bien mu'tazili, soufi, et comme ça. Non, jusqu'à bien sûr ce qu'ils deviennent donnables. Et des fois c'est trop tard. Des fois c'est trop tard. Comme on a vu tout à l'heure, tu lui dis Allah Ta'ala a dit, le prophète Assam a dit, il te dit non. Mes parents ont dit, mes grands-pères ont dit, et comme ça. C'est trop tard. Mais des fois Allah Azza wa Jal aide la personne, il la libère. La libère du joug des parents. Et la personne commence à questionner, à demander, à apprendre et à comparer. Alhamdoulilah, à la fin, elle est guidée. Le vrai din. Les parents jouent donc un rôle primordial dans l'affermissement de l'orientation de l'enfant. Je termine avec ça. Deuxième chose, l'abstention de l'enseignement et des médias. L'abstention de l'enseignement et des médias dans la majorité du monde musulman de remplir leurs tâches. Non, ni les médias, ni l'école ne remplit la tâche, non, la grande tâche, non, d'éduquer l'enfant, la vraie éducation. En effet, la plupart des programmes scolaires ne donnent plus une grande importance au volet religieux ou ne s'en préoccupe pas du tout. Subhanallah al-Adim. Si maintenant, par exemple en Algérie, un pays musulman, le cours, ou plutôt la matière de religion, vous savez, c'est quand? C'est le dernier jour de la semaine, heure. Sixième, si j'ai cité, mais Abdullah, j'ai cité le foyer, j'ai dit en général de l'orientation. Non, ma'alesh. Lisez, regardez, bon, je ne devrais pas, juste pour vous donner un exemple, le cours, c'est combien de fois par semaine dans le CEM? Une fois par semaine, une heure, une seule heure par semaine. Et l'heure par semaine a dit c'est quand? C'est le dernier jour, jeudi. Ensuite c'est vendredi, samedi, il n'y a rien. C'est libre. La dernière heure, entre 11h et midi. Ensuite l'après-midi, il n'y a pas. Donc c'est la chose la moins importante pour eux. La moins importante. Je dirais même plus grave, il y avait des filiales, disons des branches. Comme on dit par exemple, littéraire, mathématique. Il y avait sharia. Il y avait comme ça dans le lycée. Dans le lycée, tu choisis quand tu passes du... Tu choisis. Est-ce que tu choisis sharia? Tu choisis science? Tu choisis maths? On a enlevé sharia maintenant. On a dit, les laïcs et les ennemis d'Allah Azza wa Jalla, on dit quoi? On dit non. Ça donne le terrorisme. Mais enfin, on va apprendre sharia, ceci, jihad, ceci, cela. Ça donne les bombes, ça donne ceci. On a enlevé carrément. Maintenant, il n'y a pas ça. Il y a seulement, alhamdoulilah, il y a au niveau de la fac. Et je ne sais pas si ça va rester. Donc, le cheikh dit, en effet, la plupart des programmes scolaires ne donnent plus une grande importance au volet religieux et ne s'en préoccupent pas du tout. De plus, les médias visuels, comme la télé, etc., parler, comme la radio, etc., et écrit, comme les journaux, etc., sont devenus le plus souvent un instrument de destruction et de déviation. Ou alors se préoccupent de sujets matériels et récréatifs et ne donnent aucune importance à ce qui redresse les mœurs, cultive le dogme correct, en dissolu. Naam, la plupart des télé, ou alors des je ne sais pas, des radios, de chaînes de haram, plein de chaînes qui incitent à la débauche, plein de chaînes qui incitent au meurtre, qui incitent à haram qui existe dans le monde, plein de chaînes. Naam. Regardez, on prend seulement internet, on va voir combien qu'il y a d'internautes qui voient les choses pornographiques et combien qu'il y a d'internautes qui assistent à des cours de religion. On va voir par exemple ça dans internet. Vous allez voir cours de religion ou les qui ont écouté tel audio religieux. Bon, vous allez trouver 100, 500, 600 et pornographie. Combien vous allez trouver? 4 millions. Cette vidéo a été vue par 5 millions de personnes. 4 millions, 10 millions et comme ça. Et cet audio de religion a été entendu par 200 personnes, 150 personnes. Naam. Donc vous voyez, yani, comment c'est devenu chose destructrice. Yadou billah. Naam. Tayyib, maintenant, inshallah ta'ala, on a terminé pour le cours d'aujourd'hui, bi'idhnillah ta'ala. Dans le prochain cours, inshallah ta'ala, on va voir quels sont les moyens de protection contre, yani, ces choses-là. Quels sont les moyens se prémunir et se préserver contre ces choses-là. Bi'idhnillah ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous donne 10 minutes, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Pour ceux qui ont des questions sur le cours, ils n'ont qu'à lever la main dans la question dans le salon bis qui est ouvert. Inch'Allah, un admin viendra récupérer les questions. Et pour les questions hors cours, bien sûr, c'est dans ce salon. Barakallahu fikoum. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. عما يتساءلون. Sur quoi s'interroge-t-il ? عن النبأ العظيم. Sur la grande nouvelle. الذي هم فيه مختلفون. À propos de laquelle ils divergent. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Eh bien non, ils sauront bientôt. Encore une fois non, ils sauront bientôt. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets et nous vous avons créés en couple. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Et désignez votre sommeil pour votre repos, et fait de la nuit un vêtement, et du jour le moment dédié aux affaires de la vie. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Et construit au-dessus de vous sept renforcés. Et y avons placé une lampe très ardente. Et fait descendre des nuées une eau abondante. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Pour faire pousser par elle grains, plantes et jardins luxuriants. إن يوم الفصل كان ميقاتا. Le jour de la décision a son terme fixé. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes, et le ciel sera ouvert et présentera des portes. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. L'enfer demeure aux aguets, refuge pour les transgresseurs. Ils y demeureront pendant des siècles successifs. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, hormis une chaleur brûlante et un pus. جزاء وفاقا. Comme rétribution équitable. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. Car ils ne s'attendaient pas à rendre compte et songent continuellement nos versets. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تفضل إن شاء الله avec le vœu إن شاء الله تعالى que la première question soit dans le cours إن شاء الله تعالى. تفضل. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, cher. Première question, question d'un frère. Voici ma question. Pouvez-vous revenir sur la puissance du dogme et la puissance du matériel? Barakallahu fikum, cher, pour votre cours. Tafadal, cher. Et pour info, c'est bien le récitateur que j'ai bien nommé sur la room. Que veut dire la personne? Elle veut que je lui lise ce que j'ai dit et ce que j'ai dit à Fouane, ou bien que je lui explique comme ça de ma tête, en lui résumant. Tafadal. Naam, cher, en fait, de lui refaire un petit résumé. Tafadal, cher. En fait, le Cheikh Hafidahullah voulait dire si on a toute la technologie et toute la puissance matérielle, tant qu'on n'a pas le dogme, ça repose pas sur l'aqida et la vraie et sur la croyance en Allah Azza wa Jal, ça risque quoi? Ça risque d'être vraiment destructeur. Supposons maintenant la Russie et des États-Unis et des pays de Kofar qui ont par exemple pointe par exemple dans les comment ça s'appelle, les fusées, les têtes, si on appelle chimiques, comme le Bachar al-Assad, comme il a frappé en Syrie avec des fusées à tête chimique qui font vraiment des dégâts. On va parler aussi de la bombe jaune et comme ça. S'il n'y a pas la croyance en Allah et le fait d'avoir peur d'Allah et de ne pas utiliser ça contre des gens innocents et ne pas utiliser ça contre des êtres humains, etc. S'il n'y a pas ça, ça va se renverser contre l'univers et les êtres humains. Donc, c'est pas bien. Naam, c'est pas bien d'avoir le matériel et la technologie de pointe si on n'a pas la aqida et la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que voulait dire le Cheikh en résumé. Bref, tafadhal. Question suivante, question d'une sœur. Pouvez-vous me répéter la phrase que vous avez dit en arabe pour définir la troisième catégorie, l'imitation aveugle des paroles des gens sans dalil, et le commencer? Et elle commençait, je crois, par Min Kala. Et pouvez-vous revenir sur l'exagération quant au saint en résumant? Jazakallahu khair. Tafadal, cher. La phrase, c'est, je la dis d'abord en français, si on laisse parler les gens sans dire qui voudra. Comme ça la phrase. Si on laisse les gens dire, alors, qui voudra, c'est-à-dire n'importe quelle personne, dira ce qu'il voudra. Voilà, si on laisse parler sans dalil, alors qui voudra, n'importe quelle personne, dira ce qu'il voudra. لو تركنا الناس يتكلمون دون دليل لا قال من شاء ما شاء. لو نترك الناس يتكلمون دون دليل لا قال من شاء ما شاء. لا قال, j'écris ça en arabe, لا قال si on laisse les gens parler sans dalil, la qa'a, il veut dire ce qu'il veut. Ensuite, quant à l'exagération par rapport au pieux, c'est un découlement et une conséquence de la mauvaise aqida. Car la vraie aqida d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est seulement lui qui te donne. Naam, comme par exemple les enfants, lui, naam. Alors, maintenant ceux-là, quand ils étaient ils avaient une aqida déviante, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chez les pieux et les saints, pour leur demander, yani, de faire de sorte pour que leurs femmes soient enceintes et ils auront des enfants. Ou alors quand c'est, comment ça s'appelle, quand l'eau ne tombe pas, quand l'eau ne tombe pas, comment qu'on dit, il y a quoi? Bon, quand tu viens ici, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Je parlais. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je parlais de que quand quelqu'un a une aqida fausse, qu'il partait chez les saints et leur demandait de faire tomber la pluie, ou bien de donner des enfants, ou bien d'éloigner des malheurs, et comme ça. Et tout ça, ça rentre dans le polythéisme, ça rentre dans l'association et dans le grand shirk. Dans le grand shirk. Donc c'est une preuve que la personne ne connaît pas la aqida. Tfadlal. En fait, cher la personne, à cette question, elle voulait une petite précision que je vous ai affichée sur la room. Vous aviez dit qu'ils utilisaient l'intersection entre eux et Allah, qu'ils les mettaient au même niveau qu'Allah dans un domaine propre à Allah, et la personne n'a pas entendu la suite. Vous m'entendez maintenant? J'ai dit qu'il leur demandait des choses qu'on ne peut demander que d'Allah Azza wa Jal. Tu peux demander à ton voisin de lui dire aide-moi, par exemple, passe-moi de l'argent après je les rends. Ou bien prête-moi ta voiture. Ce sont des choses que l'être humain peut donner. Mais si une personne va demander à un être humain quelque chose que seul Allah Ta'ala peut donner. Comme tu dis à une personne, yani, donne-moi des enfants. Ou alors, yani, fais la pluie. Ça, tu as demandé à qui? Tu as demandé à une personne une chose que seul Allah Ta'ala peut donner. Tu as fait donc le grand shirk et tu es sorti de l'islam. Naam. Tafadhal. Barakallahu fik cheikh. Question suivante. Question d'un frère. Pendant le cours, vous avez parlé des 73 groupes. Vers la fin des temps, Le problème, c'est que souvent, un groupe comporte des branches. Donc, il y a encore plus de groupes égarés. Je me trompe, cheikh? Fin de la question, cheikh. Tafadhal. En fait, beaucoup de savants disent comme ça. Beaucoup de savants disent que 73 groupes, c'est-à-dire, yani, sous chaque groupe, il y a des sous-groupes. Et comme ça. Si vous allez voir par exemple le Khawarij, ils font partie des 73. C'est-à-dire des 72. Parce que parmi les 73, il y a un groupe sauvé. Donc il reste 72. Donc les Khawarij font partie des qui? Des 72. Et pourtant les Khawarij eux-mêmes, ils sont divisés en 40 ou 50 groupes. Vous avez compris? Les Khawarij eux-mêmes sont divisés en 40 ou 50 groupes. Donc certains savants ont dit que Naam, chaque groupe des 73 ou des 72 contient des sous-groupes. Des fois il en contient beaucoup et des fois peut-être 2-3. Naam, tafadhal. Barakallahu fik cheikh. Bilal, je te rajoute un ami, comme ça tu pourras m'envoyer des PV. Question suivante. Question d'un frère. Ça rejoint un peu la question précédente. Ma question porte sur le hadith des 73 sectes en islam. Le groupe sauvé est épargné de l'enfer, tandis que les 72 autres groupes sont en enfer. Est-ce que cela signifie que ces groupes vont rester une période donnée en enfer ou ils seront-ils éternellement? Certains savants contemporains ont dit que les frères musulmans, les tekfiris et les tablirs, font partie des 72 groupes destinés à l'enfer. Est-ce une parole sur laquelle il y a un consensus entre les savants? Est-ce qu'on peut donc considérer les gens qui font partie de ces groupes comme frères, comme des frères fidèles? Tafadhal cheikh. En fait, je commence par la première des choses. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces 72 groupes iraient en enfer. Alhamdulillah. Donc vous m'entendez, alhamdulillah. Quand il a dit cela, Ibn Taymiyyah rahimallah a dit leur durée en enfer, c'est d'après leur péché. Certains de ceux-là ont fait des péchés qui les ont rendus kofar, et d'autres ont fait des péchés qui les ont rendus seulement pervers. Vous avez compris? Donc les 72 groupes vont aller en enfer. Cela dépend. Il y en a certains d'eux qui ont fait des coffres et qui ne sont pas excusés, qui vont rester là-bas éternellement. Et il y en a d'autres qui ont fait des péchés qui n'arrivent pas au coffre. Et qui, si Allah Ta'ala ne va pas leur pardonner, ils vont rentrer en enfer et ressortir. Et premièrement. Deuxièmement, quand on dit que nous, tel groupe, par exemple, est égaré et fait partie des 72, donc fait partie de l'enfer, ça ne veut pas dire que Yanné automatiquement et absolument il doit rentrer en enfer. Mais on dit que quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ta'ala ne lui pardonne pas, il ira en enfer. Et maintenant, il se peut que Allah Ta'ala lui pardonne. Il se peut qu'il était ignorant, vraiment ignorant. Il se peut qu'il était malade mental. Il se peut qu'il était, il n'était pas encore pubère, il ne savait pas. Il se peut que, mille et une choses, il se peut qu'on l'ait trompé. On va me dire un mot, trompé. Je ne savais pas, je croyais ceci, cela. Donc, nous, quand on dit que telle personne ira au feu, c'est pour dire que voilà ce qu'a dit le prophète, alayhi salam. Mais maintenant, quand il sera entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala, c'est mieux que nous. Naam. Autre chose. Et c'était la troisième chose, Snatchouf, qui avait rapport avec ce hadith, et importante. Et naam. Les savants contemporains, là, peut-être, je peux dire tous les savants contemporains qui sont salafis, sont unanimes pour dire que les frères musulmans, par exemple, les takfiris que tu as cités, sont parmi les groupes 72. Naam. Pourquoi ? Parce que ils sont vraiment, ils ont vraiment une déviance dans l'aqida. Vraiment, vraiment une déviance dans l'aqida. Si tu as allé voir ce que disait Hassan Benna, par exemple, le chef des frères, tu vas voir que c'est vraiment soufi. Naam. Tu vas voir ceux qui sont venus après comme Saïd Hawa et comme Tidim Sali, les grands chefs des frères musulmans, qui légiférer le fait d'aller faire des doigts devant la tombe et de demander aux morts de te donner telle et telle chose ou d'éloigner de toi tel et tel mal. A'oudou billah, ça c'est le grand shirk. Taïb, maintenant restait une chose aussi qui a rapport avec cela. C'était Snatchouf pour les frères musulmans. Naam. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler une dernière chose? J'avais juste un petit point sur celle-là. Voilà, je me rappelle. Est-ce qu'on peut dire de nous, ce sont nos frères? Ce sont nos frères en Adam. Adam alayhi salam. Naam. Mais pas ton frère dans le Nadj. Comme une fois je parlais avec quelqu'un, il avait des ambiguïtés miskin. Des ambiguïtés de takfiri. Il m'a parlé de takfiri, il m'a dit nos frères les takfiri disent comme ça et comme ça. Je lui dis nos frères les takfiri. Les takfiri, c'est pas nos frères. Il s'est étonné. Il m'a dit comment? Takfiri, c'est pas mon frère. Il m'a dit donc il est kafir. Je lui dis non, il n'est pas kafir. Pourquoi le takfiri est kafir? L'alim, s'il est kafir. Le hadith a dit que quiconque dit à une personne, un musulman, tu es kafir, il est devenu kafir. Mais moi, je peux pas dire de lui, il est kafir. Mais je te dis qu'il n'est pas mon frère. Il est mon frère en Adam et Hawa. Ce sont nos pères et notre père et notre mère. Mais il n'est pas mon frère dans le minhaj. C'est mon ennemi par contre. Oh, il s'est étonné. Subhanallah, je lui dis naam. Regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé des khawarij, qu'est-ce qu'il a dit? Les chiens de l'enfer. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit du hadith? Lisez le Coran, etc., etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Si les rencontres, je les combattrai. Le combat de Ad et de Thamoud. Toi, tu combats ton ennemi ou bien tu combats ton ami? Tu combats ton ami ou bien tu combats ton ennemi? Quand tu vas à la guerre pour combattre, c'est pour combattre un ami, un frère ou bien un ennemi? Sûrement vous allez dire un ennemi. Vous allez dire un ami, c'est que vraiment vous êtes fou. Donc, moi je combats un ennemi. Donc, les takfiri, les khawarij sont mes ennemis. Mes ennemis dans l'aqida, mes ennemis dans le minhaj. Les takfiri insultent les savants. Insultent. Pire encore, ils disent deux que sont des kofars même. Et celui-là, c'est mon frère. Celui-là, c'est mon ennemi. C'est mon ami. Et je l'aime. J'aime moi le takfiri. Qui insulte les savants. Celui-là, c'est mon grand ennemi. Et c'est l'ennemi, comme a dit le prophète, il a dit, si je les rencontre, et en parlant des khawarij, il a dit, je les combattrai. Le combat de Ad et de Thamoud. Ce qui prouve que ce sont des ennemis dans la aqida et dans le minhaj. Tfadl. Question suivante. Question d'une sœur. J'aurais souhaité, Cheikh, que vous nous réexpliquiez les termes tawqifi, tawqifi et tawfiqi. Et si vous pouviez me rappeler de qui est la parole? les commandements de l'islam seront enfreints un par un s'ils émergent en islam des gens qui n'ont pas connaissance de ce que le paganisme, entre parenthèses polythéisme. Tafaddal Cheikh. C'est une des paroles de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, le deuxième calife, bien guidé. Il a dit les commandements de l'islam seront enfreints, transgressés, un par un. Quand est-ce que, s'il émerge en islam des gens qui n'ont pas connaissance de ce qu'est le shirk, le polythéisme. Naam, c'est une phrase que beaucoup de savants ont citée de Omar ibn Khattab, entre autres Ibn al-Qayyim. Dans plusieurs de ses livres, il a cité cette phrase. Et il l'a affilié à Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Taïb. Ça, c'est en ce qui concerne cette phrase. Et la deuxième question, c'était quoi la deuxième question? Écris-moi un mot. Ça parlait de... Voilà. Ça. Tawqifi. On a tawqifi avec... Vous avez remarqué, les deux mots commencent par T-A-W. Jusque-là, les deux mots se ressemblent. T-A-W, tau, tau. Ensuite, c'est kifi et l'autre c'est fiki. C'est le contraire. Si on dit tau kifi, ça veut dire ça se base sur les textes, c'est-à-dire Coran et Sunna. Si on dit tau fiki, ça n'a pas besoin de texte. Hein? C'est, ça a besoin d'expérience. C'est pour ça que les savants divergent sur la ruqya. Est-ce qu'elle est tawqifiya? Est-ce que pour faire une ruqya, on a besoin de Coran et de Sunna pour voir la façon de la faire? Ou bien c'est tawfiq, ou bien ça dépend seulement de l'expérience. Je vous donne un exemple. Cracher sur de l'eau. En lisant le Coran, on crache sur l'eau par exemple, on prend une douche avec. Le prophète Ali. Tenant. Ceux qui ont dit que la ruqya, c'est tawqifi. C'est-à-dire, ils ont dit, si tu veux cracher dans de l'eau et te doucher avec, donne-moi un hadith ou un verset qui dit ça. Il te dit, pour moi, la ruqya c'est tawqifi. Et l'autre, il va te dire, non, pour moi, c'est tawfiqi. La ruqya, ça dépend de l'expérience. Ça a été expérimenté, prouvé que, quand je lis le Coran sur l'eau, et je crache, et je prends une douche, ça a été prouvé, plusieurs gens ont pris la douche, comme ça, et ont guéri. Et ça n'a pas besoin d'un verset ou d'un hadith qui dit, voilà comment qu'il faut faire. Car ce n'est pas tawqifi, mais c'est tawfiqi. Voilà ce que ça veut dire, tawqifi et tawfiqi, en général, inshallah ta'ala. Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller afin d'avoir une bonne aqida ferme et ne pas dévier? Un programme d'apprentissage, livre ou autre, afin de la perfectionner? Tafaddal Cheikh. Voilà, c'est le verbe tourner que je voulais dire mais que j'ai pas trouvé. Non. Donc c'est bien quand vous m'appelez de me le donner. Barakallahu fikoum. Je disais, pour la aqida, pour ne pas dévier, il ne faut lire et entendre bien sûr que la aqida de Al-Sunna ou Al-Jama'a. Les livres de Ibn Taymiyyah, de Ibn Al-Qayyim, de Cheikh Ibn Al-Taymin, de Al-Fawzan, des grands savants. Naam. Et maintenant, alhamdoulilah, pour vous les francophones, il y a des livres, masha'Allah. Surtout, je vais lire un livre de fausse aqida, comme Ash'arite, comme Maturidite, comme Soufi, pour dire, voilà, je vais essayer de comparer. Car ça risque de te faire des ambiguïtés. Par contre, quand on aura appris des années, elle s'est bien rempli le cœur de la vraie aqida, et elle est vaccinée, elle peut, mashallah, lire ces livres-là de déviance, si c'est dans le but de voir c'est quoi leur faute, pour les réfuter et montrer aux gens quelles sont les fautes qu'il y a dans leur livre. Sinon, dans le premier stade comme ça, des années, il ne faut pas toucher à leur livre, ni assister à leur cours. Non. Quand elles disent quel programme il y a, il n'y a pas de programme. Tu ne dois pas arrêter de lire la Aqida. Tu termines un livre, tu passes à un autre. Tu termines un livre, tu passes à un autre. Ça, bien sûr, dans le cas où c'est possible et que les livres sont simples et faciles à comprendre. Si c'est comme ça, simple et facile à comprendre. Ou bien qui enseigne, il ne faut jamais arrêter de lire la Aqida jusqu'à ce qu'on meure. Naam, tafadhal. En attendant la prochaine question, cher, si vous me le permettez, j'avais une question par rapport au fait qu'Allah ait tout créé. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, nous avons créé, par exemple, telle voiture? Un exemple, nous avons créé ce tableau ou autre chose similaire. Barakallahu fik, cher. Une seconde, je vais vous chercher un verset. Donc regardez ici le verset. Allahu khaliqu kulli shay'in wa ala kulli shay'in wakil. Allah est le créateur de toute chose. Et toute chose, il est garant. Maintenant, si vous m'entendez. Alhamdulillah. Je pense, wallahu ta'ala alam, que peut-être c'est le micro, que yani, il ne peut pas dépasser 2h ou 3h comme ça, il chauffe, alors ça commence à comment dire, il y a des coupures. Ou peut-être c'est le programme, wallahu ta'ala alam. Al-muhim, Allah ta'ala dit dans le Coran, Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses il est garant. Il faut connaître la règle. On ne peut pas dire, j'ai créé une voiture. Sauf si dans le sens où ça veut dire que je l'ai fabriqué. Sinon la création revient à Allah subhanahu wa ta'ala. La création revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le verbe créer pour les personnes. Comme a dit Ibrahim alayhi salam, il a dit wa takhluquna ifkan. Et vous créez des mensonges. Et yawm al-qiyam Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui ont sculpté, etc. Naam. Créer, comment il va dire Okhluqou. Ce que vous avez sculpté, il va dire créer, il va employer le mot créer, donner vie à ce que vous avez créé ou quelque chose comme ça. Moi, il y a le mot créer. Je veux dire, la règle dit, toute chose que Allah Ta'ala a créée, l'être humain ne peut la fabriquer. Et toute chose que Allah Ta'ala a fabriquée, et toute chose que la personne a fabriquée, l'être humain a fabriqué, Allah Azza wa Jal ne la crée pas. On ne va pas dire il ne peut pas la créer, non. On va dire ne la crée pas. C'est une règle de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sur laquelle il faut, comment dire, il faut yani, mordre. Il faut mordre. Avec les mâchoires. Je répète la règle. Qu'est-ce qu'elle dit? Toute chose que Allah Ta'ala a créée, l'être humain ne la fabrique et ne peut pas la fabriquer. Et toute chose que l'être humain fabrique, Allah Subhanahu wa Ta'ala ne crée pas quelque chose de similaire. Vous voulez que je vous donne un exemple? Non. L'or. Vous qui êtes avec moi, vous répondez. Voilà. Vous répondez à la place des autres qui sont dans le salon. Taïeb, donc vous qui n'avez pas le raid ou les admins, vous répondez à leur place. L'or. Est-ce que il a été créé, l'âme, ou bien c'est l'être humain qui l'a fabriqué? Je parle du métal. C'est pas de la chaîne ni de la gourmette. J'attends vos réponses. Créé. Est-ce qu'il y a une autre personne qui dit autre chose? Créé par Allah. Créé. Alhamdulillah. Créé. Nam. C'est des mines d'or. Voilà. Le fer aussi. Créé. Le zinc, le cuivre. Et comme ça. Le phosphore, le miel, le sel. Tout ça, c'est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Toutes ces choses-là. On va prendre l'or par exemple. Aucune personne dans le monde ne peut fabriquer l'or. Autant de Ibn Taymiyyah, bien avant, un peu de temps avant, il y a des gens qui ont émergé. Des gens qui ont émergé et qui ont pris beaucoup d'argent aux gens. Qu'est-ce qu'ils leur disaient? Ils leur disaient, donne-moi par exemple telle somme et je te fabrique de l'or. Et ils ramènent quelques produits, entre autres le mercure. Hein? Si je me trompe, le mercure, c'est lui qui est gris comme ça et qui prend la forme comme ça, il prend la forme de n'importe quoi. Ça s'appelle mercure, si je me trompe pas. Voilà. Non, en français, ça s'appelle le mercure. On le met par exemple, subhanallah, il marche comme ça, comme. Non, ça c'est en algérien. En français, c'est ça le mercure. Taïeb, le Mouhim, il ramenait comme ça des produits, ces gens-là. Voilà. Zi'abak. Zi'abak en arabe littéraire. Même les savants certains savants ont dit que les cordes qu'ont jeté les sorciers contre Moussa, ils ont dit que ça comportait à l'intérieur quoi? Du Zi'abak. C'est-à-dire. Le mercure, c'est pour ça que ça a bougé, etc. El Mouhim. Donc, ces gens-là, etc. Et mélanger ce produit, ceci, cela, zama, pour avoir de l'or. Ils sont restés des centaines d'années, jamais personne n'a pu fabriquer de l'or. Pourquoi? Car la règle dit, toute chose que Allah Ta'ala crée, la personne ne peut pas le fabriquer. Et maintenant, toute chose que la personne fabrique, par exemple, la voiture, la maison, ceci, cela, une boîte d'allumettes, je ne sais pas quoi, un micro. Allah Ta'ala ne le crée pas. Alors qu'il peut Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un métal gentil, le seul se fait en forme liquide. Voilà. Donc, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala maintenant vous n'avez pas cherché à savoir. Mes chers, on peut fabriquer des bijoux. Non, mais on peut fabriquer des bijoux. Mais on ne fabrique pas de l'or. On prend l'or que Allah Ta'ala a créé et on le transforme. Tout ce qu'on peut faire, c'est le transformer. Je reviens, je dis, mais pourquoi? Pourquoi Allah Ta'ala a fait ainsi que tout ce qu'il crée, toute chose qu'il crée, ne peut pas être quoi? Ne peut pas être fabriqué. Et tout ce que les gens fabriquent, Allah Ta'ala ne le crée pas. Pourquoi? Pour qu'il y ait toujours, yani, que ça soit clair, yani, al-fasl, disons, comment qu'on dit le fasl, yani, si je puis dire, comme, par exemple, on met des garçons dans une école, on met des garçons, par exemple, à part, des filles à part, donc Allah Ta'ala veut qu'il y ait fasl, disons, une distinction, Allah Ta'ala veut qu'il y ait une distinction, voilà, une distinction, entre créateur et la création. Allah Ta'ala veut montrer que voilà le créateur ce que fait et voilà la création ce que fait. C'est pas possible, Naam, que les deux puissent faire la même chose. Et lui, seul, Allah Azza wa Jal. L'eau créée, c'est normal. L'eau, elle est créée par Allah. Elle tombe, il l'envoie du ciel. par le biais des nuages. Vous n'allez pas me dire qu'il y a quelqu'un qui construit de l'eau. L'eau, yani, on la tire de la terre ou bien du puits ou bien, mais elle est venue par Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créée. Naam, tfadl. Question suivante, question de frère. Comment la meilleure façon de combattre les gens de la bid'a et de leur voie égarée et leur transmettre la aqida sahih de la meilleure des façons de la da'wa? Car les gens de la bid'a renient la aqida et évite ces discussions-là. Tafadal Cheikh. C'est possible de faire. Question d'un frère. Comment combattre de la meilleure des façons les gens de la bid'a et leur voie égarée et leur transmettre la aqida sahih de la meilleure des façons dans la da'wa, car les gens de bid'a renient la aqida et évitent ces discussions là. Tafadal Cheikh. Taïb, Bilal, pour ce que tu as écrit de oxygène plus hydrogène, tout ça, bien sûr, ça aussi, ça a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont seulement yani, ajouté ça, etc., etc., et ça donne d'autres choses. Al-Muhim, je disais que pour les gens de la bid'a, bien sûr, pour eux, c'est pas important. Et ils n'aiment pas la aqida, ils sont préoccupés pas du tout, alors peu. Maintenant, si quelqu'un tombe avec quelqu'un de la bid'a, il lui fait la da'wa avec hikma, avec sagesse. Il essaie de lui faire aimer la aqida. Il est de la aqida. Il lui parle de l'importance de la aqida. Et que, subhanallah l'adim, yani, on vit pour la aqida. Et que Allah Ta'ala ne nous a créé que pour la aqida. Et comme ça, peut-être que Allah Ta'ala fera de toi un sabab pour réveiller cette personne et lui enlever la poussière qu'il a sur les yeux, qu'il a sur le cœur. S'il ne veut pas écouter ou bien il ne veut pas apprendre, c'est une personne que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu yani, guider. Et tu dis qaddar Allah ma sha fa'al. Voilà. Tfadl. Question suivante, question d'un frère. Le fait que les savants ont rendu mécréant le gouverneur. Attendez, on va reprendre du début. Question sur la Syrie. Le fait que les savants ont rendu mécréant le gouverneur et qu'il y a de grandes fitnas, est-ce que cela implique que le djihad ou pas nos morts sont-ils considérés comme mujahid? Tafadal Cheikh. Ça a sauté, j'ai pas entendu la fin. Sont-ils considérés comme des mujahidin? De qui? Tu parles de qui? En fait, la personne la demande par rapport aux morts qui combattent en Syrie. Ceux qui sont en Syrie, ce ne sont pas tous les mêmes, ni ont tous la même aqida, ni ont tous le même minhaj. On a qui combattent pour la démocratie, on a qui combattent pour eux, pour l'islam, il y en a qui combattent juste pour enlever celui-là, il y en a qui combattent pour avoir une société mondaine, et il y en a. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam de ce qu'il y a dans leur cœur. Premièrement. Deuxièmement, ça ne veut pas dire, si les savants disent que tel gouverneur est mécréant, qu'il y a le djihad. Vous avez compris, le djihad a des conditions. Entre autres, il a ce qu'on appelle l'udda. Comme dit Allah Ta'ala, « وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ » L'udda, je ne sais pas si ça s'appelle ça en français, mais il faut, il y a ce qu'on appelle les moyens. Il faut avoir les moyens. Car, Allah Ta'ala dit, تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ. Il a dit, si vous voulez faire le djihad, vous devez avoir des qui feront peur à l'ennemi d'Allah. Donc, quelqu'un comme Bachar al-Assad, qui a maintenant des fusées à tête chimique, etc. Tu vas lui, puissance matérielle, jazakallahu khair. Est-ce que toi, tu vas lui faire peur avec une Kalachnikov ou un pistolet, par exemple? Non. Regarde par exemple. Donne un exemple. Regarde. Lui, il frappe avec des avions, et les autres, ils n'ont pas d'avion, ni même de quoi faire descendre et tomber cet avion. C'est pour ça que le djihad, toujours, il faut quoi? Il faut avoir la puissance matérielle, sinon c'est interdit de faire le djihad. Ensuite, regardez maintenant, bien sûr, nous, on voudrait que ce Bachar al-Assad tombe, ce chien, on voudrait qu'il tombe, non, que sa tête soit coupée pour ce qu'il fait. Mais regardez maintenant, quand eux, ils se sont soulevés contre lui, regardez les dégâts que ça a donné. Yani, comment qu'on dit, qui erre dans d'autres pays. Et comment qu'on dit, mutashirridun. Yani, comme abandonnés, qui ont abandonné leur maison. Combien de, en exil, combien de personnes mortes, combien de femmes ont été violées. Combien de personnes torturées, combien ceci, combien cela, alors qu'ils vivaient dans la sécurité totale. Mais ils imitent aveuglément, naam, ce qui a été fait dans d'autres pays, ce qu'ont fait les takfiriyons et les frères musulmans, etc. Ils les imitent aveuglément. Et voilà le résultat. S'ils avaient suivi la sunna du prophète, ils n'auraient pas fait cela. Mais quand ce sont des gens qui n'ont pas de science, naam, et une aqida qui est aussi déviante, ça donne toujours des résultats préservés. Tfadlal. Question suivante. Question d'un frère ou d'une sœur. Allahu alam. Salam alaikum, Shir. Je pose la question sur le prix du Hajj, qui augmente chaque année ici en France, à des prix exorbitants. Des guides prennent beaucoup d'argent sur nous et ils en font du commerce. Quel est le jugement sur ces personnes-là? Et ont-ils le droit? Tafadal, Shir. Naam, il a le droit. Il a le droit de quoi? De te demander de l'argent pour te guider. Car il n'est pas d'aller voyager, naam, avec toi, se fatiguer pour te montrer quel chemin prendre, etc. Et tu ne lui donnes rien. Mais ce qui est interdit, c'est de prendre plus qu'il n'en vaut. Et de faire du hajj un commerce. Ça devient interdit, vraiment interdit. Quant à demander le nécessaire qu'il faut, c'est pas interdit. Car c'est pas obligé qu'il. Car comme j'ai dit, il fait des efforts. Il fait des efforts pour te montrer, etc. etc. C'est pas comme quelqu'un m'a dit aujourd'hui, j'ai entendu parler. Ils ont pris comme ça un guide, ils l'ont payé. Et il est parti avec là. Ensuite, le troisième jour, et il devait rester 15 jours au moins. Le troisième jour, il leur a dit. Mon épouse est enceinte, partir. Il est revenu en Algérie, il les a laissés. Donc celui-là, comment tout d'un coup elle est tombée enceinte, il ne savait pas. Sûrement qu'il savait. Donc il ne devait pas aller avec eux. Donc celui-là, il a profité. Il a pris. Il a pris plein, comme vous venez de dire maintenant. S'en est plein en Europe, surtout en Europe, où ils disent que les gens ne savent pas et c'est difficile d'aller au Hajj, etc. Et nous, on a l'habitude, on connaît. Donc, ils vont profiter pour prendre le maximum. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala les guider. Tfadal. Question suivante. Question d'un frère. Après avoir conseillé plusieurs fois un frère concernant les gouverneurs, il insiste à les rendre mécréants. Je lui ai dit clairement que je ne lui parle plus à part le Selem. Quel est le jugement à cela? Ou conseillez-vous, ou conseil que vous pouvez m'en donner, Inch'Allah, qu'Allah vous rétribue en bien. Tafadal Cheikh. Naam, le frère n'a pas dit pour quelle raison il a décidé de ne plus lui parler. Je dis donc, si le frère yani, remplissait des conditions et que c'est seulement quelque chose de la dunya, quelque chose de la dunya, il faut pardonner, fermer les yeux. La dunya, elle n'est pas durable, elle est éphémère, et c'est pas à cause de la dunya qu'on va pas se parler. D'ailleurs, le hadith est clair que toute personne qui, à cause de la dunya, deux personnes ne se parlent pas, plus de trois jours, c'est interdit. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, chaque lundi et chaque jeudi, ne leur pardonne pas. Naam. Maintenant, si c'est à cause qu'il insulte les gouverneurs et qu'il ne veut pas prendre des nasiha, celui-là ne lui parle plus. Si tu veux, à part salam, comme ça. À part salam. Et le salam est tout juste. Hein, tout juste. Pourquoi? Parce que le mubtadi, je peux ne pas lui dire salam. C'est un mubtadi. Aoudoublah puisse ta'ala nous préserver. Et celui-là, il faut s'éloigner de lui au maximum. S'éloigner de lui au maximum, car il est plein de choubouettes et il risque de te donner certains virus. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver de lui. Fadal. Question suivante. Question d'un frère. Salam alaikum, Cheikh. Et à tout le monde dans ce salon. Ma question consiste à l'achat d'une maison en vie âgée. Est-il permis en islam? Sachant que le vie âgée et l'achat d'une maison se passe comme suit. On verse une rente mensuelle au vendeur jusqu'à sa mort. Et le jour où ce vendeur est mort, l'acheteur devient le propriétaire de cette maison. Tafadal Cheikh. C'est étonnant, c'est la première fois que j'entends qu'il y a dans le monde une vente pareille. D'abord, dites-moi si j'ai compris cette vente, si c'est comme ça. Donc, il y a quelqu'un qui vend par exemple une maison. Supposons. Cher, c'est pour cela que l'État reprend. Donc, on va dire, dites-moi si c'est comme ça. Est-ce que j'ai bien compris? Donc, il y a une personne qui vend une maison. Elle, par exemple, donnez-moi 100 euros par mois. Je meurs. Non. Lui donner, hein? Donc, s'il reste 50 ans en vie, je lui donne pendant 50 ans. Je n'arrête pas. Non. Jusqu'à ce qu'il meure. Mais maintenant, il va mourir demain ou la semaine prochaine, donc la maison m'appartient. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que vous confirmez? Tout à fait. Subhanallah al-Azim, c'est étonnant. Jamais de ma vie, je n'ai entendu une chose pareille. Jamais de ma vie. Taïb. Smail Jazairi. Est-ce que d'après toi, donne seulement un avis, ensuite je vais te dire le vrai chat. Est-ce que d'après toi, yani, c'est permis ou c'est pas permis? Écris seulement un mot. Si tu sais pas, dis Allahu a'lam. Allahu alam, cher. Bon, chauffe. Ce qui rend une chose interdite en islam, c'est dans les ventes. C'est trois choses. Qu'il y ait dhulm, injustice, ou bien riba, usure, ou bien gharar. Gharar, ça veut dire je ne sais pas ce qu'il y a dans cette chose. On me vend un carton, mais je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et on me dit, allez, achète à 10 euros, comme dans certaines ventes. Ils te vendent comme ça des paquets, tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ils te disent 10 euros. Allez, tout à 10 euros. Tu ouvres, tu peux trouver quelque chose de 100 euros qui vaut 100 euros, comme tu peux trouver un bonbon, 5 ou 6 bonbons, qui coûte peut-être quelques centimes. El Mouhim, donc ça, c'est interdit. Maintenant, dans cette vente-là, est-ce que vous trouvez pas, d'après vous, que ça rentre dans quoi? Ça rentre dans riba. Ça sont dans la loterie, ça dans la loterie. Donc je vais commencer à payer et je ne sais pas quand est-ce que la personne va mourir. Si elle reste 50 ans ou 60 ans, il se peut que je lui donne plus que ne coûte la maison. Et si elle meurt demain ou dans une année, ça veut dire que la personne n'a pas pris la valeur de la maison. Giga. Ici, on ne connaît pas le prix final vu qu'on ne sait pas quand la personne mourra. On ne connaît pas le prix de la maison et on ne connaît pas la personne quand est-ce qu'elle va mourir. Deux choses. Donc ça, on ne devrait pas avoir de doute, Inch'Allah Ta'ala, que c'est de la loterie, que c'est haram. Naam. La maison que tu veux acheter, tu dois connaître son prix. Naam. Connaître son prix pour savoir comment la payer. Est-ce qu'on paye d'entrée, on paye comme ça, et mensuellement, ou bien annuellement, ou bien. Moi, je dois connaître son prix. Là, faut de val. Question suivante. Question d'une sœur. En France, l'État dispose d'un organisme qui aide ceux qui ne dépassent pas un certain salaire pour leur logement. Je ne dispose actuellement d'aucune aide de l'État pour moi et mon foyer. Walhamdulillah. Cependant, j'aimerais savoir si ce que je souhaite vous demander est permis. Chaque mois, et cela depuis des années, l'État me coupe de mon salaire des charges pour des mutuelles, assurances, etc. Donc je ne dispose pas. Et ce fut également le cas du salaire de ma femme dans le temps où celle-ci travaillait encore. À ce jour, mon patron me paye une certaine somme en chèque qui est déclarée sur ma fiche de paye et une autre partie en espèces qui n'est pas déclarée. Je voulais savoir si je fais une déclaration auprès de l'organisme et que je mets le montant correspondant à celui de ma fiche de paye et me verse cet argent, s'il m'est permis de faire cela uniquement dans le but de récupérer la somme qu'il me coupe depuis des années. Je précise, Chir, que si je mets le montant qui correspond à ma fiche de paye, je rentre dans les conditions pour avoir cette aide. Mais si je comptabilise le montant de ma fiche de paye ainsi que le montant donné en espèces, je ne rentre plus dans les conditions pour recevoir cet argent. C'est pour cela que je voulais savoir si c'était permis dans le but de récupérer cet argent que l'État a coupé de nos salaires. Et s'il me donne trop donné le reste à des nécessiteux. Barakallahu fikum, cher. Posé, ça avait, il y avait beaucoup, tu m'entends, il y avait beaucoup de coupures. Il y avait beaucoup de coupures et je n'ai pas bien compris la question. Mais je te dis en général, et je dis à cette personne aussi qui m'entend, quand quelqu'un travaille dans un organisme ou dans un état où chaque et à chaque mois on lui prend de sa paye, non, sans qu'il le veuille. On lui prend des charges ou bien je ne sais pas quoi, pour la mutuelle, pour je ne sais quoi, pour la retraite, pour. Non. Maintenant, si, non, si après, on va par exemple l'aider à payer des médicaments, si on va faire une opération, si on va l'aider pour des choses, non, et on lui donne de l'argent, c'est permis de prendre cet argent. Pourquoi? Parce que c'est ton argent en fin de compte. Ça fait des années que tu donnais de l'argent ou alors qu'on te prenait de l'argent. C'est un peu comme la retraite. La retraite, on t'a pris. Maintenant, ce sont eux qui te donnent. S'ils vont te donner plus qu'ils n'ont en pris, ça ne fait rien car c'est l'État. L'État doit aider le citoyen en islam. Il doit lui donner une maison, doit lui donner une paye, doit lui donner une monture. Non, donc c'est l'État. Même s'il me donne plus qu'il m'a pris, ça rentre pas dans la loterie. Et déjà, il m'a pris de force. Il m'a même pas demandé mon avis. Maintenant, j'ai pas bien compris ce que voulait dire ici le frère en disant si je signe le chèque, si le chèque, j'ai pas compris. Mais si c'est maintenant, il y a un moyen, non, il va faire quelque chose pour faire, pour se rembourser son argent. Si c'est comme ça, c'est permis. Si on lui a pris de l'argent et maintenant, je sais pas ce qu'il va faire, quelque chose, pour rentrer son argent. Pas l'argent de la société ou là. Dans ce cas, Inch'Allah, si ce qu'il fait, il ne le fait pas d'une façon où il y a mensonge, où il y a trucage, où il y a, non, il est en train juste de rentrer son argent, c'est tout. Sinon, on en reparlera, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, parce que quand ça tarde comme ça, il y a toujours des coupures dans le salon. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته